enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Uyu Yesu alinyanyuliwa kumbingu toka katikati yenu atarudia munamuna moja moja ile munamuona kuenda. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Verset 15. Mstari wa 15. C'est pourquoi moi aussi, je commande à mimi pia, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, kisha kusigiliza wanasema kuhusu imani yenu ndani ya Bwana Yesu, et de votre amour pour tous les saints, na juu ya mapendo yenu kwa ajili ya watakatifu bote, je ne cesse de rendre grâce pour vous, mishiache kumishukuru. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Na nikuna mitaya mo maombi yangu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo baba wa utukufu, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amepatie roho ya hekima na ya ufunuo ndani ya ufahamu wake. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Angazie macho ya moyo wenu. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ili mupate kujua ni matumaini gani yenye kuambatana na mwito wake. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Na ni utajiri gani ya utukufu wa urithi wake ila anachungia watakatifu. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité dans la vertu de sa force. Na nini mkubwa munene basipo mipaka wa uwezo wake mwenye kuonekana katikati yetu wa uwezo wake na utukufu yake. Amen. Amena. Psaume 130 Zaburi, verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Que Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. L'espérance bénie des élus est notre thème. Tumaini yenye ubarikiwe wateule ndio shina yetu ya mahubiri. Nous avons vu par les écritures les témoignages de Dieu lui-même. Tuliona kupitia maandiko ushuhuda ya Mungu yeye mwenyewe. Les témoignages des prophètes et des apôtres. Ushuhuda ya wa mitume na manabii. Que le Dieu qui nous a appelé ici dans sa parole. Ya kwamba huyu Mungu alituita muneno lake. C'est un Dieu de promesses infaillibles. Ni Mungu wa malako yasipokukotola. Lui-même c'est un Dieu infaillible. Yeye mwenyewe ni Mungu asipokotola. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui est fidèle à ses paroles. Bwana mwenye kwa mwaminifu mu maneno lake. Un Dieu qui ne fait pas de vaines promesses ni de fausses promesses. Mungu hawezi kulaka bia bongo wala kulaka kwa ovyo. Toutes ses promesses de la Genèse à l'Apocalypse s'accomplissent avec fidélité. Malako yake yote tangia mwanzo kufika na kufunuo iko natimilika katika uaminifu wote. C'est pourquoi David a dit. Je kwa maana Daudi alisema. Je te célèbre de tout mon cœur. Na kushangilia na moyo wangu wote. Je me prosterne devant ton grand nom. Na inama mbele ya jina lako kubwa. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de toutes tes promesses. Kwani kafumo yako inaongezeka sana kupitia kutimilika kwa malako yako yote. Et l'apôtre Paul aussi a dit. Na mutume Paulo naye anasema. Pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Kwa yenye kuelekea malako yote ya Mungu. Il n'y a que le oui et amen. Kukupaka ndio na amina. Alléluia. Amina. Pourquoi? Dieu, s'il n'accomplit pas ce qu'il a promis, il se renie lui-même. Kama Mungu ashitimize kila alilaka manake anajikana mwenyewe. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi que na tuliona tena ya kwamba s'il n'y a pas la promesse, il n'y a pas l'espérance. Ya kwamba kama hakuna malako manake hakuna tumaini. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs. Bapendo banduku na badada. Dans ces temps de la fin, mui wakati ya mwisho, nous répétons et nous dirons, nous allons répéter toujours. Tukuna isema na tunasema tutasema motena. Comme tous les élus dans tous les âges. Sabateule bote ba mbizazi biote. Tous les élus sont les enfants de la promesse. Bateule bote ni batoto ba malako. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun élu qui n'est pas l'enfant de la promesse. Hakuna muteule hata moya wasipo kwa mtoto wa malako. Alléluia. Amen. Frère, tous les élus avaient confiance en Dieu. Bateule bote walikuwa na matumaini ndani ya Mungu wao. Même ici. Hata hapa. Un vrai élu. Mteule wa kweli. Il a confiance en Dieu. Ana mtumaini ya Mungu. Un élu de Dieu donne toujours raison à Dieu. Mteule wa Mungu kila mara anampatia Mungu sheria. Et à sa parole. Na anapatia sheria neno lake. Amen. Amen. Frères et sœurs. Nduku na dada. En ce temps de la fin. Ni wakati ya mwisho. Dieu nous a fait la grâce. Mungu alitufanyia neema. À moins que tu ne vois pas. Isipokuwa wewe uione. Tout son plan du salut. Mapu yake yote ya wokovu. Est fondé sur les promesses. Inayengwa yulu ya malako. Alléluia. Amen. Il n'y a rien que Dieu fait en dehors de ce qu'il a promis. Hakuna kitu hata kimoja kile Mungu anafanya nje bila rilaka. Dieu nous a adressé un message. Mungu alitutumia ujumbe. Ce message que nous avons reçu. Hii ujumbe tulipokea. C'est un cri d'appel à sortir au rassemblement des élus. Ni mwito ya kuita kutoka juu ya kwenda kukusanyika kwa wateule. Amen. Amen. Pour venir attendre les promesses qui s'accompliront. Juu ya kuja kongojea malako ile tatimilika. Il y a de merveilleuses choses qui nous attendent. Kuko vitu vizuri vile vikuna tuchunga. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Na miambia kweli. Nous n'irons pas au ciel sans goûter cela. Hatutaenda kumbingu bila kubionja. Nous avons dit aucune promesse de Dieu ne restera inaccompli. Tulisema ya kwamba kuna malako hata moya ya Mungu ile tabakia bila kutimilika. Dieu nous a appelé. Mungu alituita. Nous étions dispersés. Tulikuwa wenye kuzambalana. On ne se connaissait pas. Hatukujuane. Alléluia. Amen. Mais le ciel nous connaissait. Lakini mbingu ilitujua. Dieu nous a appelé. Mungu alituita. Celui-ci de l'autre côté. Huyo hii ngambo. Celui-ci de l'autre côté. Mwingine naye ngambo ingine. Dieu nous a mis ensemble. Mungu anatuweka pamoja. Dans sa parole. Muneno lake. De la même manière. Muna moja moja. Que notre Dieu a rassemblé Israël dans son territoire. Mungu wetu alikusanisha Israel mu inchi yake. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu les a rassemblés pour attendre les promesses. Mungu aliwakusanisha juu apate kongojea malako. Puisque Israël, la nation d'Israël, c'est une nation élue. Wani taifa ya Israeli nda taifa yenye kuchaguliwa. Dit amen. Amen. Israël est une nation élue. Israel ni taifa yenye kuchaguliwa. Oui frère. Ndio nduku. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas abandonner Israël. Joko maana Mungu hakuwezi kumwacha Israeli. Dieu les a appelés partout ils étaient. Mungu alibaita fazi yote balikuwa. Aujourd'hui. Leo hii. Israël est dans son territoire. Israël eko muinchi yake. Ils attendent quoi? Beko nachunga nini? Ils attendent l'accomplissement de toutes les promesses. Beko nachunga. Que Dieu a fait à leur égard. Beko nachunga kutimilika kwa malako yote ile Mungu alimalaka. Amen. Amen. Pendant qu'Israël et dans son territoire en train d'attendre l'accomplissement des promesses à leur égard. Wakati ile Israel eko muinchi yake eko nachunga kutimilika malako ile Mungu alibalaka. Wewe moi aussi. Wewe na mimi na sisi. Dieu nous a appelé à sortir de toutes les dénominations. Mungu alituita kutoka mazebu zote. De sortir tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole. Na kutoka mubiote vya sipo kuambatana na neno lake. Il nous a amené dans notre territoire. Alituleta mujimbo yetu. Et notre territoire. C'est la parole révélée. Nous sommes dans le message attendant les promesses de Dieu faites aux élus des nations. Et la plus grande promesse, c'est le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous étions comme tout le monde. Comme Paul dit dans Ephésiens chapitre 2. Vile Paulo anaisema mwa Efeso sura ya pili. Il dit ceci. Anasema hivi. Verset 11. Mstari ya 11. Jusqu'au verset 13. Fika na 15. C'est pourquoi. Njo kwa mana. Vous autrefois païens dans la chair. Mwe zamani bapagano mumwili. Appelé incirconcis. Parce qu'il appelle circoncis. Benye kuito basipo kutairiwa kwa bale anaita benye kutairiwa. Et qu'il est soit la chair par la main de l'homme. Na benye kufuaniwa benye kutairiwa mumwili kumkono wa mtu. Souvenez-vous. Kumbukeni. Que vous étiez en ce temps-là privé du droit de la cité en Israël. Ya kwamba ile wakati mlikuwa bila Kristo na benye kuondoshwa halali ya inchi ya Israeli. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Tulikuwa bakeni kuma agano ya malako. Sans espérance. bila matumaini, et sans Dieu dans le monde, na bila Mungu mudunia, mais maintenant Jésus Christ, lakini hapa sasa ndani ya Yesu Kristo, vous qui étiez jadis éloigné, mwe bale zamani ulikuwa mbali, vous avez été rapproché, mulikaribishwa, par le sang de Christ, kupitia damu ya Kristo. Alléluia. Rappelez-vous que nous étions sans Dieu, sans promesse, sans espérance. Mukumbuke ya kwamba tulikuwa bila Mungu, bila malako na bila matumaini. Dieu nous a adressé une vocation céleste. Mungu anatutumia mwito ya kumbingu. Selon Hébreux 3 verset 1. Kufuatana na Waebrania 3 mstari 1. Dieu nous a adressé une sainte vocation. Mungu anatutumia mwito takatifu. Selon Timothée 1 verset 9. Kufuatana na Timotheo wa kwanza mstari 4. C'est un appel pour un voyage céleste. Ni mwito juu ya kwenda kumbingu. Alléluia. Amen. Nous marchons sur la terre. Tunatembea pa dunia. Mais nous sommes des citoyens célestes. Alakini tuko bakaji ba kumbingu. Nous sommes dans les promesses. Tuko mumalako. Nous vivons dans les promesses. Tunaishi malako. Nous dormons dans les promesses. Tunalala malako. Attendant les promesses. Benye kuchunga malako. Ce qui nous donne la vie, c'est l'ensemble des promesses de Dieu wingi, à l'égard des élus des nations. Ni wingi ya malako ya Mungu. Alléluia. Bateule frère, à notre appel est attaché une espérance. C'est pourquoi Paul dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Ephésiens 4 verset 4, Paul dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, que l'Église dise amen. Amen. Nous avons une seule espérance qui est attaché à notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, Baba qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous, une seule foi. Imani moja tu. C'est la foi des élus. Ni imani ya bateule. La foi dans les promesses de Dieu. Imani ndani ya malaka ya Mungu. Que Dieu soit loué pour cela. Cette foi qu'avait Abraham, ile imani ilikuwa na Ibrahimu, c'est ça la foi qu'avaient les apôtres. Jo imani ilikuwa na mitume, c'est la foi que nous avons. Na jo imani tuko nayo, la foi fondée sur les promesses. Imani yenye kuyengwa yulu ya malako. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, banduku na badada, l'espérance dans les promesses de Dieu ne trompe jamais. Matumaini mu malako ya Mungu hayezi kamwe kukosa. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 5. Jo ile Paulo anasema Warumi sura 5. Il dit, ah, c'est bon. Dans Romains chapitre 5, Warumi sura 5, il dit au verset 1 jusqu'au verset 5, Ufika na 5. Étant donc justifié par la foi. Benye kuhesabiwa haki basi kwa imani. Est-ce qu'il y a le justifié ici? Eti kuku benye kuhesabiwa haki hapa. Alléluia. Amen. Je vous dis que soyez heureux. Na miambia Mungu heri. Dieu ne compte plus nos péchés. Mungu ashesabie tena mazambi zetu. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Tunahesabiwa haki kwa imani. La foi dans l'œuvre accomplie au Golgotha. Imani mukazi baritimiza kumsalaba Golgotha. Il a pris nos péchés. Alichukua zambi zetu. Il ne nous a pas seulement pardonné. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Alitupa mubari ya kusabu. Gloire à Dieu pour cela. Sifa kwa Bwana juu ya ile. Alléluia. Amen. Quand il les a jetés dans la mer de l'oubli. Wakati alitupa mubari ya kusabu. Frère, il a écrit là-bas. Nduku aliandika pale. La pêche est strictement interdite. Pardon? La pêche. Ah, kuloba kuna kataziwa sana. Soyez dans l'esprit. Amen. Il l'a jeté dans la mer. Et dans la mer là, il a dit, il n'a pas droit de venir repêcher mes péchés. Dieu m'a déjà pardonné. Je suis un homme justifié. Gloire à Dieu pour cela. Frères et sœurs, la profondeur de la mer. Frère Branham raconte une histoire. Dans le message, je veux dire ceci. Mana ya hii ni nini? Il y avait un papa. Kulikuwa baba moya. Il a fait donner sa vie à Christ. Alitoa bujima wake kwa Kristo. Ce papa-là, yule baba, il faisait beaucoup de bruit avec la Bible. Alianza kufanya makelele mingi na Biblia. Frère, si tu es sauvé, duku kama usha kokolewa, tu aimeras la Bible même sa couverture. Utapenda Biblia hata kifuniko yake. Nous regrettons comment les chrétiens sans Bible. Tuku na uzunika namna kaniba Kristo basipo ma Biblia. Ma soeur, toutes les casseroles, tu ne fais que changer le modèle. Dada yangu kuna badirisha paka modèle ya mabiungu na mansani. Mais tu n'as pas la Bible. Alakini hauna na Biblia. La Bible, Biblia, on ne peut pas la voir seulement quand on connaît lui. Awezi kuipata tu juu na yo kusoma pana. Ayez la Bible comme témoignage. Uwe na Biblia sawa ushuda. Na imani yako. Que tout ce qui est écrit de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Tangia mwanzo na kufunuo ya kwamba ni amina. Alleluia. Amina. Et sa papa là. Na ule baba ule. Quand il prenait la Bible. Wakati alikuwa anachukua Biblia. Il lisait. Alikuwa anasoma. Il criait beaucoup. Alikuwa analalamika sana. Quand il lit l'écriture. Akisoma andiko. Il dit alleluia. Anasema alleluia. Mungu asifiwe. Finalement, Mwisho yake, comme il vivait chez sa fille, vile alikuwa anekala kwa binti wake, sa fille a dit, binti wake akamwambia, aujourd'hui je vais recevoir les hôtes de Marc. Leo ntapokelea bakeni ba kabaila. Le papa ici, huyu baba huyu, pour qu'il ne dérange pas mes visiteurs, bakeni yangu, il faut qu'on lui ravisse la Bible. Inapashi tumunyanganye Biblia yake. Qu'il reste main vide. Awake pashipo Biblia. Alors ne fera pas de bruit. Bale asitafanya makelele. Alléluia. Amen. On a caché la Bible de papa. Marificha ile Biblia ule papa. Et cette fille a fait l'erreur. Ule binti anafanya kosa. Il a donné le livre de géographie à son père. Anafatia kitabu ya geografia kwa baba. Papa, tu vas commencer à contempler le mer, baba, les mers, les océans, les montagnes. Mama milima. Il était là. Alikuwa mule mchumba ya juu. Pendant que les autres fêtaient. Wakati bengine walikuwa na karamika. Lui avec ses visiteurs. Yeye na bakeni yake. Ils ont senti seulement la maison en train de bouger. Barisikiliza tu nyumba na tigizika. Le papa en train de courir. Baba na luka yulu. Le papa en train de frapper les pieds. Anapika miguu chini. En train de chanter. Na kuimba. Pleure. Anakulia. La fille est arrivée, elle dit papa. Binti akaona baba. Les visiteurs. Mimi kuna bakeni. J'étais ravi la Bible. Mimi nisho kunyanya Biblia. Qu'est-ce qui te réjouit? Sasa ni nini nakufurahisha? Anasema Biblia. Aujourd'hui. Leo. J'ai eu la révélation. Ninapata ufunuo. Quelle révélation? Ni ufunuo kani tena. Quand j'ai lu ici. Wakati mimi nilisoma mwikitabu. On a pris la profondeur de la mer. Anaandika upana ya bahari. J'ai regardé. Je... Ninaangalia mimi nasema. La mer a cette profondeur. Bahari kuna burefu kwa hivi. Maana yake zambi yangu. Sont très très très loin. Ni kumbali sana. Je ne peux pas le voir. Ni mashezi tena kuniona. C'est ce qui me réjouit. Ndio ile inanifurahisha. Alleluia. Amena. Frère. Nduku. En eli partout le regarde. Muteule pa pasi wote anaangalia. Kwa Dieu. Eko naona hapo Mungu. Alleluia. Amena. Même la nature. Hata asili maumbile. Montre la grandeur de Dieu. Inatuonesha ukubwa wa Mungu. Il n'y a que l'amour de Dieu partout. Ni paka mapendo ya Mungu fazi yote. Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Ici Paul dit. Hapa Paulo anasema. Étant justifié par la foi. Wewe kuhesabia haki kwa imani. Nous avons la paix avec Dieu. Tuko na salama pamoja na Mungu. Par notre Seigneur Jésus Christ. Ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous devons d'avoir part à l'accès à cette foi. Wewe tunapaswa kushiriki naye kwa imani. Par grâce Waneema. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus Zaidi. Nous nous glorifions même des afflictions. Oh, c'est terrible. Frères et sœurs, je vous ai dit hier, en Élie à la révélation que tout concourt pour mon bien. Aujourd'hui, Paul nous dit, Leo Paul anatuambia, nous, sisi, qui sommes justifiés par la foi, est-ce que les justifiés sont là? Les gens kwepo, qui croient que leurs nombreux péchés ont été pardonnés, et Dieu les a jetés loin de sa face, bari na uso yake. En vivant, il m'a aimé. Mukuisha alinipenda. En mourant, il m'a sauvé. Mukufa aliniokoa. Enseveli. Mwenye kuzikwa. Il a emporté mes péchés au loin. Alibeba zambi alumbari. Amana. Ressuscité. Mwenye ufufuka. Il m'a justifié. Ananihesabia haki. Et je crois son retour. Na mimi naamini ya kwamba naokolewa. Mon âme espère. Nafsi yangu inatumainia. Anasema. Nous avons eu accès à cette foi par la grâce. Tulipata hii imani kwa neema. Dans laquelle nous demeurons fermes. Mule tunabakia imara. Un croyant n'est pas balotant. Aujourd'hui dedans, Leondani, demain dehors, nous nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions na dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ya wa Mungu. Bien plus, na zaidi tena. Nous nous glorifions même des afflictions. Tunajitukuza hata katika mateso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les afflictions. Mateso. Alléluia. Amen. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Sachant que l'affliction mateso produit la persévérance. Oui. Dio. Nous ne nous rétrogradons pas pour les afflictions. Ya mateso. Nous croyons tunaamini que les afflictions, ya kwamba mateso, quand je souffre, wakati mina je deviens fort. Mina kwa wanguvu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham ansema, quand l'arbre dans les mémoriaux de Dieu prouve au fil du temps, ya quand l'arbre devient dur quand il est frappé par les tempêtes. Muti inakuwa nguvu wakati zoruba inaipika. Quand les tempêtes frappent, oh, wakati mpepo inaisukuma, oh, et les racines, il enracine davantage. Na mizizi yake tashuka zaidi. Alléluia. Amen. Un chrétien sans affliction n'a pas d'expérience. Mukristo bila kuteseka ana na maonjo. Il est emporté à tout vent. Atabebwa kwa mpepo yote yote. Wakati Paulo anasema hapa, nous nous glorifions même des afflictions. Sisi tunajitukuza hata katika mateso. Wenye kujua les afflictions mateso produit la persévérance. Iko natuletea kudumu. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Et cet or, cet or, l'espérance ne trompe point. L'espérance qui ne trompe point, c'est l'espérance dans les promesses de Dieu qui ne trompe point. Amen. Amen. L'espérance ne trompe point. Nous ne serons pas déçus si nous mettons notre foi dans les promesses de Dieu. Les afflictions. Mateso. C'est là que Paul dit, les afflictions du temps présent ne peuvent jamais être comparables à la gloire qui vient. C'est pourquoi ici il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Les afflictions produisent en nous la persévérance. C'est pourquoi ma soeur persévère. Mon frère persévère. Yangu, et quand tu persévères, tu auras la victoire dans l'épreuve que tu as. Mouile majaribu kunayo. Et la victoire produit l'espérance. Naleta matumaini. Et l'espérance ne trompe point. Matumaini ayese kama kulongofia. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des vérités incontournables. Ini maukweli ile hawezi kwenda pembeni. L'espérance, frère, matumaini nduku, c'est une grande chose pour un élu. Regardez bien mes frères dans Hébreux chapitre 8. Dans Hébreux chapitre 6. Waebrania sura 6. Il dit ceci. Nasema hivi. Il dit. Nasema. À partir du verset 17. Kwanza msara 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Mungu alipenda kuonesha na hakikisho yote kubariti malako yasipo kubadilika. Frère, aux héritiers de la promesse. Kubariti ya malako. Dieu voulait montrer avec plus d'évidence. Mungu alipenda kuonesha na hakikisho yote. Ah, tu as bien traduit, frère. Dieu Amen. Voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Il intervient par un serment afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Et vous connaissez les deux choses immuables dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Ce sont les promesses et le serment. Nous trouvions un puissant courage. nous dont le seul refuge Mule, si, kifichamio moja tu. A été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ilikuwa ya kushika matumaini ile walitupatia. Cette espérance, I matumaini, nous la possédons comme une encre de l'âme. Tunaipokea sawa nanga. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. L'espérance, nous la possédons comme l'encre de l'âme. Matumaini tunaipokea sawa nanga ya nafsi. Aussi. Yenye kwa na hakikisho. Et solide. Na ya nguvu. Elle pénètre au-delà du voile. Iko na tambuka pazia. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Mule Yesu aliingia juu yetu sawa wa kutangulia. Ayant été fait souverain sacrificateur, nous en parlerons dimanche ici. Nous parlerons de ce souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. L'espérance, nous les élus, nous l'avons comme l'encre de l'âme. Qu'est-ce que l'encre? Nanga ni nini? Alléluia. Amen. Pour les navigateurs. Kwa wale wa kutembea pa maji. Ah, il n'y a pas un bateau sans ancre. Akuikalake chombo bila nanga. À quoi sert l'ancre? Nanga inasaidia kunini? L'ancre, c'est un métal très dur et qui pèse. On a lié avec une chaîne là en bas du bateau. Nanga ni kiuma kia nguvu na kia buzito wana kifunga na nkamba kuchombo. Il sert au capitaine qui a le bateau au moment de tempête. Iku na musaidia kwa capitaine mwenye kwa na chombo wakati kuna kwa zoruba. Quand il y a le tempête qui vient pour ne pas renverser le paquebot. Kama kuna kwa mpepo mkubwa juu ya chombo ishanguke pamai. On jette l'ancre sous la mer. Beko natupa nanga chini ya mai. Et quand l'ancre est jeté, wakati nanga banaitupa, le bateau devient stable malgré les tempêtes. Na ile chombo itasimama imara hata kama kuna kwa mpepo je. Alléluia. Amen. Quand les tempêtes frappent le bateau ne bouge plus à cause de l'ancre qui est parti sous la mer. Wakati zoruba inapika chombo, chombo haita tenka kwa ajili ya nanga banatupa chini ya mai. Mais nous les chrétiens, sisi wa Kristo, nous les élus, si wateule, nous les croyants, si nous avons l'espérance dans les promesses comme l'ancre de l'âme. Sur cette terre, dunia, dans le parcours de la vie chrétienne, il Christo, y a les tempêtes, il y a les difficultés, magumu, il y a les ouragans, mpepo, il y a des souffrances comme nous les avons. Ile tukuna, alakini, quand les tempêtes viennent, wakati zoruba inakuya, nous avons l'espérance. Tuko na matumaini. On ne l'a pas jeté, l'ancre n'est pas jeté dans l'eau en bas. I nanga ba itupe mumaji. Notre ancre est au-delà du voile. Nanga yetu inapita. Alléluia. Kapazia. Dans les lieux très saints célestes. Pali pa mbingu sana. Car dans les lieux très saints célestes, il y a un homme. Muku mutu. Cet homme-là est vivant. Ule mutu ni mzima. Il était mort. Alikufa. Il est ressuscité. Il est monté. Alipanga. Il est sur le trône de grâce. Alléluia. Amen. C'est là que nous plaçons notre espérance. Je sais que yetu, même kwamba, si y a le problème qui arrive, il n'y a aucun problème mambo, qui dépasse Jésus-Christ. Ile na c'est Jésus ça l'espérance. C'est ça l'engrais de l'âme. Quand les tempêtes frappent, je ne balote pas. Je suis stable. Na bakia imara. Un chrétien est stable. Mukristo anabakia imara. Même s'il y a des problèmes, kama kuna kwa le chrétien stable accorde l'espérance. Kwa ajili ya matumaini. Il connaît celui qui l'a appelé. Anajua ule alimuita. Il connaît sa grandeur. Anajua ukubwa wake. Laissez-moi vous dire ce soir, il n'y a aucun problème hakuna, qui dépasse Jésus. Hakuna mambo hata moya nampita Yesu. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Il n'y a aucun problème. Hakuna mambo hata moya. Quand nous marchons sur la terre, tunatembea pa dunia, nous avons l'ancre sûre. Tukuna nanga ya hakika. Nous avons l'ancre certaine. Tukuna nanga ya hakika. C'est l'espérance ya musalaba. Amen, amen. Vous savez, quand on était petit, unajua wakati tulikuwa badogo, si tu as joué aussi ça, je ne sais pas. Kama unao uchezaka vile sijue. Nous, on a couru avec des jantes. Sisi tutembea na majante. On a couru avec des véhicules. Tutembea na magari. Des véhicules de boîtes de conserve. Magari tu amangu. comme ça qu'on jouait au village. Que Dieu vous bénisse. Et pendant la saison sèche, comme cette saison, on liait les petits quoi, balais là. On fait un petit sachet. On fait une longue corde. Avec un petit bâton au bout. Nous appelons ça surf volant. Je ne sais pas si tu as joué ça. Amen. Et quand tu cours, le sachet là monte très haut. Ça arrive au point où quelqu'un regarde et ne voit pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué ça? Amen. Alléluia. Amen. Mais toi qui es là, même si personne ne voit pas, tu es sûr, tu sens que j'ai quelque chose là-haut. Il en est de même avec nous. Nous marchons sur la terre, mais nous avons l'assurance. La parole des promesses nous donne l'assurance qu'il y a une connexion avec le ciel. Est-ce que l'église veut dire amen? Même ce soir, je le sens. Il est ici. Je le sens. Je sais que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul. J'ai l'espérance. Là où trône il y a quelqu'un, il vit éternellement. Il combat pour moi. Alléluia. Amen. Si le problème vient, je l'appelle. Tu vois d'autres problèmes, frère. Des problèmes qui nous arrivent. Si tu arrives sur la route, tu trouves un petit garçon comme celui-là. Viens, monsieur. Viens un peu. Tout nous enseigne. Venez vite courir. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu trouves seulement un petit ici. Il voit. Frère José, ici le pasteur, il passe et dit attention. Anasema petit, quitte la route, je passe. Le petit dit acha michezo. Il ne faut pas jouer avec moi. Un enfant comme ça, il ne faut pas continuer à parler avec lui. Ce qu'il a fort, il force quelque part. L'église dit amen. Amen. Frère José dit à l'enfant, petit, arrête la route, arrête, faut pas jouer avec moi. Ne faut pas continuer. Il connaît que dès qu'un problème arrive, j'ai quelqu'un. J'ai un grand frère. Il est très fort. Il va me défendre. C'est pourquoi, frère, un croyant ne craint pas Satan. Alléluia. Amen. Nous ne craignons pas Satan. Nous avons un grand frère. Son nom c'est Jésus. Il est là pour nous défendre. Il a vaincu au calvaire. Il est sorti de la tombe vivant. C'est un puissant conquérant. C'est pourquoi je n'ai pas peur. N'ayez pas peur. L'église, n'ayez pas peur. Nous avons un grand frère qui a vaincu l'invincible. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu le séjour des morts. Il est sorti vainqueur. Il est vivant. Sa tombe est vide. Il a peur de quoi? Malgré toutes les tactiques de l'ennemi, nous avons un grand frère. Et il a déclaré, selon les paroles de promesses, je combattrai pour vous. Moi, je combattrai pour vous. Quelle assurance! Quelle détermination! Si un enfant avec un cerf volant, il est sûr, si un enfant qui a son grand frère, un héros, il est conscient, qu'en est-il de l'église? C'est pourquoi, frère, vous croyez que tout ce que vous demandez en son nom, Dieu vous l'a déjà accordé. Ayez foi en Dieu et en sa parole. Mais Dieu ne met frère. les apôtres avaient cette espérance, les élus de tous les âges avaient cette espérance. William Branham est mort avec l'espérance. Nous vivons aussi avec l'espérance, puisque notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui ne ment point, c'est un Dieu merveilleux. Hier nous avons parlé de la foi de David, que toute la vie de David comme un élu, sa foi était basée sur les promesses de Dieu. Mais ce soir, parlons un peu d'Abraham. Abraham le croyant, le père de la foi. Baba wa imani, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le père de la foi, Baba wa imani, c'est Abraham. Ibrahimu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est ça le modèle. Il est njo mufano de la foi. Ya imani. Abraham. Ibrahimu. Père de la foi. Baba wa imani. Abraham était un homme ordinaire. Ibrahim alikuwa tu mtu wa kawaida. Comme toi et moi. Sawa wewe na mimi. Mais le ciel le connaissait. Alakini mbingu ilimjua. Puisque Dieu quand il vient visiter quelqu'un. Wakati Mungu anakuwa kutembelea mtu. Dieu l'appelle par son nom. Mungu anamuitaka pa jina lake. Comme nous sommes assis là. Hivi tunaekana hapa. Dieu connaît le nom de chacun. Mungu anajua jina la kila mtu hapa. Est-ce que vous croyez? Eti mnaamini vile? Et Dieu est arrivé là, appelé Abraham, Abraham. Abraham. Abraham a cru comme tu as cru. Ibrahim a réamini sa vie, il a amini. Amen. Amina. Abandonne ton père. Acha baba yako. Abandonne ta mère. Acha mama yako. Vers un pays que je te montrerai. Wende muinchi mulenta kuonesha. Abraham a obéi. Ibrahim a riti. La foi sans l'obéissance n'est pas la foi. Imani bila kuti aina imani. Alléluia. Amen. Et je vous dis que la paire de chaussures d'un croyant, c'est la foi et l'obéissance. Namiambia kwamba viatu vya mwaminifu ni imani na utiifu. Si tu as seulement la foi, kama kuna imani tu, tu n'obéis pas, auti. C'est comme si tu es quelqu'un qui a porté seulement une partie du père de souliers. Iko sawa mtu ula na vala kiatu kimoja tu. Ce n'est pas correct. Aina sawa. Un croyant marche sur ce chemin avec la foi et l'obéissance. Mwamini fana tembea kama njia yake na imani na utiifu. Est-ce que l'église écoute? Eti kanisa mwasikia. Si tu as la foi sans l'obéissance, ce n'est pas la foi d'Abraham. Kama kuna imani bila utiifu, aina imani ya Ibrahimu hapana. Puisque sur ce chemin, jumuinji, il arrivera que Dieu te demande des choses impossibles à ta manière de voir. Itakufikia Mungu atakuomba vitu vyasipo kuwezekana kufuatana na kuona kwako. Alléluia. Amen. Dieu te dit sépare toi, abandonne. Mungu anakuambia ujitenge, wache. Aujourd'hui, kukuba mingi leo. Ils ne veulent pas abandonner, se séparer de la mondanité. Abapende kuacha kuachana na kidunia. Ils n'ont pas la foi d'Abraham. Abana na imani ya Ibrahimu. Il dit si j'abandonne mes mèches, anasema nikiacha mamesha, je serai moche. Nitakuwa mtu mubaya kumacho. La beauté va partir. Murembo wangu botapotea. Et pourtant la beauté ce n'est pas tout ça. Japo burembo haina bile byote. La beauté d'une femme c'est le caractère. Burembo wa mwanamke ni tabia. Amen, mes soeurs. Amen. Ce n'est pas des choses artificielles. Haina bitu vya kitunga. Qui fait la beauté d'une femme. Yo vinaleta burembo wa mwanamke hapana. Abraham se séparait. Abraham a rijitenga. Obéissance totale. Utifu kamilifu. Là où il a résisté, Dieu l'a corrigé. Kula alishinda na Mungu alimnyolosha. Puisqu'il aimait beaucoup Lot. Dieu alimpenda sana Lot. Comme tu aimes aussi beaucoup ton Lot. Sa vile na wona penda Lot wako. Tu auras toujours difficulté sur ce chemin. Utakuwa kila mara na magumu mu hii safari. On peut prêcher ça. Banaweza kuhubiri hivi. Mais on ne peut pas toucher ça. Bashiguse kuibi. Ça j'aime beaucoup. Hivi mimi nabipenda sana. Abraham est déjà sorti. Abraham esha kutoka. Il a reçu la parole. Alipokea neno. Mais il aimait beaucoup Lot. Lakini alimpenda sana Lot. Separe toi de ton Lot. Ujitenge na Lot wako. Tu verras la grandeur de Dieu. Utaona ukubwa wa Mungu. Separe toi de ce que ton cœur aime. Ujitenge na bile moyo wako inapenda. Tu diras moi. Utasema mimi. Me separe avec le vernis à ongles. Kujitenga na kujipenta kwa makucha. Kuna kwa natuma vernis toi mon message. Ya même de vernis qu'on appelle le vernis de message. Tout ça ça vient d'où? Bile biote binatokea wapi? Ça vient d'où? Binatokea wapi? Mes frères et mes sœurs. Banduku na badada. Soyez propre. Muwe safi. Mais naturel. Alakini basi. Et Dieu vous bénira. Mungu na Mungu atamibariki. C'est ça le message frère. Jo yenye ujumbe ndugu. Être propre mais naturel. Alakini wa asili. Wakizarikio. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui. Nazamini tous les frères ont toujours une barbe. Banduku bote bepo pana ndefu bana chunga. C'est un esprit musulman. Ni roi ki islamu. C'est cet esprit qui est entré dans les gens. Parce qu'il y avait un musulman qui conduisait ce pays. Il y avait l'islam. Une barbe. Et c'est devenu un modèle. Regardez les gens de l'islam. Les gens ne comprennent rien. On peut tout prêcher. Qu'on ne touche pas ça. Il a bien prêché. Mais quand il a parlé de ça, on ne prêchera pas selon votre goût. On prêchera selon le goût de la parole. Le goût du Saint-Esprit. Je vous dis au nom du Seigneur, les élus de Dieu, ils nagent contre courant. Alléluia. Amen. Quand le monde va à gauche, les élus vont à droite. Quand le monde va à droite, les élus vont à gauche. Même une chose n'est pas un péché. Pardon? Quand vous voyez seulement tout le monde embrasser ça comme modèle, un élu se retire. Kama kitu haina zambi, alakini ukione tu bote wanafuata mosa modèle, mteule wewe toka amo. Il y a déjà un esprit. Kuna muna kwa roho. Un élu est un aigle. Mteule ni ntai. Il ne voit pas seulement l'apparence. Ashonake pa kuonekana kwa nje. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur, les élus nagent contre courant. Quand le monde va à gauche, les élus vont à droite. Quand le monde va à droite, les élus vont à gauche. Aujourd'hui, j'ai déjà entendu même au marché, il y a d'autres fils qu'on les appelle fils Branham. Ah, nesha usikia tamu soko mbeo nasema mankamba ingine, manyuzi ingine, nasa ini nyuzi ya wa Branham. Ça veut dire quoi? Ça se trouve dans quelle écriture? Iku mumandiko le fils Branham. Hii mankamba, manyushi ya wa Branham. Ça vient d'où? Inatokea wapi? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et quand nous parlons ainsi, wakati c'est pour les élus. Ni juu ya wateule. Ana wetu unasema. Ce n'est pas à toi qu'on s'attaque. Un élu comprendra. Mteule atelewa. Alléluia. Amen. Un élu aura le discernement. Atakuwa na kutambua kwa roho. Vous croyez que nous ferons tout ensemble ici l'ensemble des élus? Mon avis c'est mais même dans l'église où Jésus était berger en ces temps-là, Jida était là. Mule Yesu alikuwa pastor, mulikuwa Jida alikuwa pale. Et William Branham a prêché un message. La William Branham. Trois sortes de croyants. Ils ujumbe kwa ils sont partout. Aina tatu ya waaminifu beko fwashi. Ce sont les élus qui ont l'entendement. Les élus entendent la parole. Ils obéissent aux instructions de la parole. Ce sont des vainqueurs. Alléluia. Amen. Abraham s'est séparé de Lot. Abraham a dit na Lot. Il a dit. Alisema. Bon, si tu vas à droite. Kukume, moi je vais à gauche. Mintaenda kushoto. Un élu. Muteule. Un enfant de Dieu ne choisit pas lui en premier. Mutoto wa Mungu ashichakulake yeye wa kwanza. Si vous voyez même dans les histoires où on distribue, tu vois les gens se précipitent, toi sois calme. Ukiona tant bintu weko na kabula bantu weko na fuya fuya, wewe uchunge tulisana. L'autre a dit, l'autre a kasema, ah, moi je fais à Sodome. Minenda ku Sodoma. Alléluia. Amen. Quand il a choisi Sodome, wakati alichagua Sodoma, Abraham a choisi le désert. Abraham anachagua mujangwa. Mais aujourd'hui, sasa leo, c'est cet désert que les gens vont visiter. Ni mule mujangwa, njo mule bantu beko nenda kutembelea. La terre de la promesse. Inchi ya malako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Abraham a choisi Abraham avec sa femme Lot, avec sa femme, Sarah. La femme de Lot, madame Lot. Ah, na bibi wa Lota. Quand Lot a choisi, wakati Lot alichagua, sa femme a dit, mke wake anasema una femme mzuri, il a bien fait les choses, una chakula mzuri. Maintenant là où il n'y avait rien, sasa kula kukwe kitu, c'est là qu'a pris Abraham. Jo kule Ibrahim alichagua, Dieu lui apparaît. Mungu akamonekania. Dieu lui montre le nord. Akamonesha kukasgazini. Le sud. Na kusini. L'est et l'ouest. Wasubui na kumagari. Je te donne. Nasema hii na ukaburia. Frère. Nduku. Là où il n'y a rien. Pala pana kitu. Avec Dieu nous ferons des exploits. Pamoja na Mungu tutafanya maajabu. Amen. Ne dites que tu n'as rien. Tu as Dieu. Ushiseme asema una na kitu. Huku na Mungu mumbaji wa bintu byote. Mais là où Lot est parti. Ule Lot alienda. N'est-ce pas on a brûlé Sodome et Gomorrhe? Shibarichoma ko Sodoma na Gomorrhe. Mais là où Abraham est parti, Abraham aujourd'hui, c'est une terre bénie. Inakuwa inchi yenye kubarikiwa. Mes frères et mes sœurs, Banduku na badada. Abraham là où il est allé, Abraham kula alienda. C'est là qu'il a eu la visitation de l'ange de l'Éternel. Jo kule alitembelewa na malaika wa milele. Dieu qui est esprit, Mungu alikuwa roho. Alléluia. Amen. pour créer, il avait pris le corps logos. Ya kuumba alichukua mwili logos. La parole. Neno. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il a pris un corps visible. Alichukua mwili. La théophanie. Théophania. L'ange de l'Éternel. Malaika wa milele. C'était l'Éternel lui-même. Alikuwa ni wa milele. Est-ce que l'Église peut dire amen? Amen. Frère et sœur. Nduku na dada. Un jour Abraham assis. Siku moja Abraham un jour de chaleur. Il lève le regard. Macho, il voit trois hommes. C'est watatu, en Genèse 18. Mwanzo 18. Écoutez ce qui arrive là-bas. Dieu visite toujours son peuple. Mungu yuko natembelea kila mara taifa yake. Si tu es né, Dieu te visitera toujours. Mungu atendelea kutembelea. Même ce soir, Dieu est en train de parler aux élus. Mungu yuko nasema na wateule. Abraham regarde. Abraham akangalia. Il a la révélation. Eko na ufunuo. Parmi ces trois messieurs-là, katikati ya bale batu batatu, il y a l'un qui est différent. Huku mmoja ni mwenye kuachana. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut. Malaika wa milena sous le chêne de Mamire. Au verset 2, il leva les yeux. Akalamusha macho. Et regarda. Et voici deux hommes étaient debout près de lui. Tazama watu tatu walisimama mbele yake. Quand il les vit, wakati aliwaona, il courut au devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Tangia mulango ya hema yake na kuinama chini. Frère, Nduku, tout le monde dans la présence de Dieu se prosternait à terre. Batu bote, face contre terre. Wa Mungu barikuwa na inama si uso tu es saisi par l'esprit de Dieu, na roho ya Mungu, tu vas seulement regarder, disons, adorer Dieu face contre terre. Utainama uso yako chini mukumwabudu Mungu. Alléluia. Amen. Et quand il vit, il courit, il se prosterna à terre. Il dit. Wakati alibaona akakimbia na kuinama chini akasema Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama mimi napata neema kwa macho yako, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Mina kusi usiende mbali na mtumishi wako. Il n'a pas dit mais Seigneur, il a dit Seigneur. Ashukuseme ba Bwana, alisema Bwana moya. Il a compris que alielewa ya kwamba parmi ces trois ici, katikati ya bale batatu, il y a un seul Seigneur. Huku Bwana ni moja tu. Les autres sont les anges qui l'accompagnent. Aba wengine ni wa malaika wanamsindikiza. Dieu était dans le corps d'ange. Mungu alikuwa mwili ya wa malaika. Un corps spirituel visible. Mwili ya kiroho yakoonekana. Appelé l'ange de l'Éternel. Il va naita malaika wa milele. Abraham. Alimtembelea Ibrahim. Tazama ile inafuata. Abraham a reçu. Abraham alipokea. Trois visiteurs, il a tué un veau. Bakeni batatu alibawia. Mais toi tu es incapable de recevoir un seul visiteur. Wewe hauna na uwezo wa kupokea hata mtumishi mgeni mmoja. Ayez l'hospitalité comme votre père Abraham. Wewe na kupokelea bakeni sana. Amen. Un Eli pour recevoir quelqu'un lui dit non, je n'ai rien. Abraham a tué, regardez tout ce qu'il a tué. Mteule jua kupokelea mkeni ashinda na kitu. Abraham yari pokea bakina ngarabila alibawia. Simusoma miandiko. Lisez les écritures. Amen. Amen. Trois hommes. Batu tatu. Un veau. Anabawia ngombe mwana wa ngombe. Majiba banakunywa. Izombi dile. Se sont reposés. Na bakapumzika. Il les a lavé le pied. Anabaosha migu. Amen. Amen. Le lavage de pieds. Kuoshana kwa miguu. Amen. Amen. Il a montré que moi je suis humble, toi tu es grand. Anaonesha sema niko mnyenyekevu huko mkubwa. Frère. Duku. Après avoir fait cela. Kisha kufanya vile. Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Tu ne peux pas le recevoir. Hawezi kumpokea. Et te laisser sans bénédiction. Na kuache bila kukubariki hapana. Même aujourd'hui. Hata leo. Dieu est sa parole. Mungu yuko neno lake. Et je crois que tout le monde qui est venu écouter la parole wazia, ne sortira pas sans être béni. Mutu wote alikuwa kusikia neno la Mungu. Est-ce que l'église croit cela? Kutoka bila kubarikiwa. Alléluia. Amen. Abraham a parlé avec Elohim. Abraham aliongea na Elohim. Au verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. C'est la parole de la promesse. Je reviendrai. Je reviendrai. Tarudiaka. C'est ça la parole de la promesse. Neno ya malako. Je vais. Naenda. Je reviendrai. Tarudiaka. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Abraham. Abraham. Il a cria la parole de la promesse. Aliamini muneno ya malako. C'est Paul qui nous éclaire davantage. Ni Paulo anatuangazia zaidi. Dans Romains au chapitre 9. Mwarumi sura yake ya 9. Je crois que l'église est présente. Nawazia kanisa kwa. Dans Romains chapitre 9. Mwarumi sura ya 9. Écoutez ce que la Bible dit. Musikie kile Biblia inasema. Au verset 8. Mstari ya 8. C'est-à-dire. Maana yake. Que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Aina batoto. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Aina batoto ba mwili benye kwa batoto ya Mungu lakini ni batoto ba malako. Voici en effet la parole de la promesse. Tazameni basi neno ya malako. Je reviendrai. Tarudiaka. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Voilà la parole de la promesse. Mui wakati moya moya Sarah atakuwa na mtoto. Njo neno ya malako. Ah, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Parole de promesse. Neno ya malako. Paul donne la lumière. Paulo analeta mwangaza. Voici en effet Tazameni la parole basi de la promesse. Neno sur le verset 9, je reviendrai. Tarudiaka. Amen. Amen. J'aime cette phrase. Je reviendrai. Tarudiaka. Le même Dieu moya moya qui était dans les corps, appelé l'ange de l'éternel. Quand il est venu dans les corps, il m'a appelé fils de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, celui qui avait vu Moïse avait vu Moïse. Ula liona kamusa, liona Musa. Celui qui avait vu Jérémie avait vu Jérémie. Ula liona Yeremia, liona celui qui avait vu Esaïe avait vu Esaïe. Ula liona Isaïa, mais liona celui qui avait vu l'ange de l'éternel, ula liona, il avait vu l'éternel lui-même. Malaika wa Bwana, et dans le Nouveau liona Testament, mwagano jipya, celui qui a vu Jean a vu Jean. Ula liona Yohana, celui qui a vu Matthieu a vu Matthieu. Ula liona Mata, celui qui a vu Branham a vu Branham. Ula liona Branham, mais celui qui a vu Jésus, ula liona Yesu, le Fils de Dieu, il a vu Dieu. Pourquoi Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, il a vu mon père. Anaona baba yangu. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Le même qui avait fait la promesse, moya moya ula rilaka, qui avait donné la parole de promesse à Abraham, ula leta neno wa malaka kwa Ibrahimu, je reviendrai. Tarudiaka. C'est le même qui nous a promis. Jo moya moya ula rilaka. Dans Jean 14, Yohane, je m'en vais préparer une place. Naendo mitarisha je fasi. Reviendrai. Tarudiaka. Alléluia. Amen. C'est ça son langage. Jo musemeo l'ange de l'éternel. C'est lui le fils de Dieu dans le Nouveau Diye Testament. Mwana wa Mungu mwagano jipya. Il portait les noms de témoignage comme Jéhovah. Alichugua jina la ushuda sawa Jehova. C'était le nom de l'ancienne alliance. Alakini ilikuwa jina la agano la kale. Mwagano yetu jipya. Là est nom qui est au-dessus de tout nom. Ebona jina yenye kwa yule majina yote. Ni jina ya Yesu Kristo. Le même qui avait promis Abraham. Moya moya ula mulaka Ibrahim. Tarudiaka. C'est le même qui nous a promis. Jo moya moya ula mulaka. Je reviendrai. Tarudiaka. Il est le même. Eko sawa sawa. C'est la vérité. Nous ne croyons pas la Trinité. Nous croyons que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Est-ce que l'Église peut dire amen? Amen. Nous n'avons pas trois seigneurs. C'est pourquoi Paul dit, il y a un seul nasema corps, un seul Seigneur, un seul Dieu. Moya, Bwana moya, na Mungu moya tu. C'est celui que nous croyons. Je ule tunaamini. Amen. Amina. Lui-même qui avait donné la parole de promesse, ye mwenyewe alileta maneno ya malaka, il nous a aussi donné la parole de la promesse. Alitupatia tena, il a dit qu'il va revenir. Anasema atarudia. Mais regardez frère, Abraham comme un Eli, Abraham Samu teule, il a eu la foi dans la parole de promesse. Et Jean donne la lumière dans Romains chapitre 4. Paulo anasema analeta mwangaza mu Romains 4 à partir du verset 10. Je peux commencer au verset 16. Roma 4 mstari 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Kwa imani. Je crois que je prêche aux héritiers. Na les élus sont les héritiers de Dieu qui ont hérité avec Christ. Teule ni bairiti pamoja na Kristo. Les héritiers le sont par la foi. Beko ni kwa imani. Pour que ce ne soit pas par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Ili sikwe kwa neema, jua malako kwa yulu yao kwa uzao yabo yote. Non seulement celle qui est sous la loi, mais aussi à celles qui ont la foi d'Abraham. Aina tu kwa bale beko chini ya sheria lakini kwa bale Beko, qui est devenu sous vos amens, notre Père à tous, Baba yetu, selon qu'il est écrit, s'est établi Père d'un grand nombre de nations. Alue. Il est notre Père Nalikuweka devant Baba, celui auquel il a cru. Dieu qui Baba donne yetu la vie aux morts et Baba qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire, Manaki, notre Dieu est Jéhovah Jireh. C'est un Dieu qui place quelque chose là où il n'y a rien. Est-ce que l'Église peut dire amen? Il est Jéhovah Jireh. Croyez, frère, Mouamini Bandou, que dans votre vie, Dieu pourvoira. Mungu atatayarisha. Il ne faut pas beaucoup réfléchir. Tu auras la malaria célébrale. Hapana kuwaza waza mingi, utalukula malaria. Placez la foi dans ses promesses. Weka imani mu malako yake. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Musikie kila anasema. Oh, espérant. Venye kutumainia. Contre toute espérance. Bile biota besu kutumainia. Il crie. Akamini. Et devint le père d'un grand nombre de nations selon ce qu'il y a été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, bila kokotola muimani, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Asikuangalia sema mwili yake ilikuwa inaisha zeka. Puisqu'il avait près de 100 ans. Jua alikuwa kadiri ya miaka 100. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Na Sarah sikuwa tena mwali ya kuzala watoto. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Nduku na dada. À cause de la foi dans la parole de la promesse. Wajili ya imani muneno ya malako. Abraham n'a pas regardé son corps. Abraham asikuangalia mwili yake. Il était déjà vieux de 100 ans. Il avait déjà perdu la force virile. Alléluia. Sarah, sa femme, était amortie. Mais c'est en ce moment-là qu'il reçoit la promesse. Alléluia. Amen. Et na, Abraham, comme un élu, sawa mteule, les yeux, le bras au dos, mikono kumukongo ya, avec la vieille Sarah, na Sarah muzee, elle pouvait aller au marché pour démontrer sa foi. Ya kuonesha imani yake. Il demande le prix de la poudre. Anauliza bei ya pudra batoto. Il demande le prix de quoi, comment vous les appelez? Les brassières. Akauliza bei ya mavazi ya babebe. Le vendeur pouvait lui dire. Bakuzisha barikuwa na mwanguliza. Le grand-père Abraham. Abraham. Tu vas acheter pour ton petit-fils. Unauzia bankana yako. Abraham l'élu. Abraham muteule. Ayant la foi dans les problèmes, dans les promesses. Mwenye kwa na imani maneno malako. Asema pana. Non, mon petit-fils. Apana mkana yako. C'est moi et ta grand-mère Sarah aura un fils. Mie ni na kambo yako Sarah atazala mtoto. La foi. Imani. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ni hakikisho ya nguvu mbitu bila tunatumania. Ni kuonekana kwa vitu vya sipoonekana. Dit, Abraham espérant contre toute espérance. Mais le verset dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Il croyait que quand Dieu fait la promesse, il l'accomplit. Voilà la foi d'Abraham. C'est ça son problème. Dieu a parlé. Je crois. Alléluia. Amen. À ce moment-là, il marchait encore. Sarah avec les bateaux. Frère. Duku. Ah, mambo ya Mungu. Oh, la parole de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11. Mwa Ebrania 11. La Bible rend témoignage aussi de Sarah. Biblia inamshuhudia tena Sarah. La foi n'est pas seulement pour les hommes. Imani haina tu même les femmes, mes soeurs. Vous êtes des croyants. Quand ton mari faiblit dans la foi, encourage ton mari. Analekea muimani wao mutie nguvu. Dites-lui chérie. Umwambie mpendwa. Le Dieu qui nous a fait des promesses. Mungu alitulaka. Le Dieu de la Bible. C'est un Dieu réel. Ni Mungu wa kweli. C'est la vérité, frère. Ni kweli, nduku. Amuyewanaka mambo, frère. Vous n'avez jamais vu, hein? Amuyewanaka mambo, frère. Vous n'avez jamais vu. Dans la maison, rester avec 100 dollars. Munyumba kubakia tupaka na 100 dollars. Comme capital. Sa capital. Alléluia. Amen. Mes soeurs. Nous avons vécu des choses terribles. $100 comme capitaine. $100 tu sais quand joue capitaine joue yote. J'entends des hors de bruit. Ni casque inje makelele. Les motos entrent. Ma moto c'est fit. Quoi? Ni nini? Un frère ligoté. Dugu mwa vanisha mufunga kamba. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Pasteur, j'avais pris l'argent pour payer avec intérêt. Maintenant, j'ai déjà refusé le problème de prendre l'argent à intérêt. Ni kamwambia mine shakataza mushibebe franga na intérêt na faida. Et quand je fais, ça n'a pas marché, arrêtez-le. La dette est de combien? Deni ni angapi? La dette est de $100. Deni ni ya $100. Dieu me dit, Mungu akaniambia, prends cet argent-là, termine le problème de mon fils. Beba paka le reste, moi, je pourvoirai. Umalize mambo ya mtoto yangu inabakia mimi Mungu nitatayarisha. C'est un frère qui n'avait pas un mauvais témoignage. Mais il a eu des complications dans sa vie. Alors, qu'il n'y a pas de c'est parce qu'il n'avait pas quand entendu. Quand votre berger parle, écoutez ce Dieu qui vous parle. Musikie ni Mungu la na miambia. J'ai dit à l'église, quel frère ne prenne Mungu pas l'argent intérêt. Mushibebe feza ya ndeni ya intérêt. Même s'il y a un problème, ataka makumambo. Buvez de l'eau dormée, Mungu demain je prendrai soin. Kesho Mungu atamiangaikia. J'ai dit, unaona sasa? J'ai dit, vous voyez maintenant? Je suis entré dans la maison. Nikaingia munyumba. J'ai pris $100. Nina bebe les $100. J'ai dit, c'est prenez. Nina sa beba. Faites la décharge. Allez, andika la décharge. Kunaisha? C'est fini. Ah, kunaisha. Ils sont partis. Banaenda. Le frère restait là. Nduko anabakia pale. J'ai dit, mnaona frère? Vous voyez mes frères? On peut chambre le bugari aguri. Donnez-lui d'abord à manger. Comme ma femme m'écoute beaucoup. Sa vile muke wangu anesikia sana. On lui a préparé à manger vite là. Ah, il a mangé, c'est fini. Ma femme savait que mke wangu alijua kwamba j'ai donné $100 sans l'informer. Mina leta $100 bila kumujulisha. Elle était dans la douche. Alikuwa mu douche kuna nawa. Elle s'apprêtait pour aller au marché. Alikuwa anajitayarisha ende mu soko. C'est cet argent qu'il devait faire des provisions de la maison. Il le fait, ça ne passe pas quand ça coûte un argent. Nous avons un Dieu terrible. Si tu as foi, Dieu te fera des grandes choses. Mungu atafanya vitu vikubwa. Il ne connaît pas. Asijue, asima minesha que les $100 qui étaient dans le programme est parti dans un problème. Ya kwamba les $100 ilikuwa mumapu inesha enda kuishia mungu. Le frère a mangé. Ule nduku anakula. Le frère est parti. Anaenda na kwenda. Afu ni mambo kanono inavyo pa una. C'était un petit problème. Non, ni kama mambo kaloko kaisha. Yo makelele mimi chia sonyo. Eh le bruit que j'ai entendu non c'est déjà terminé. Le frère est parti. Nduku anaenda. Donnez-moi l'argent, je vais aller marcher. Unipatie feza mimi naanza kwenda msoko. Attends. Chunga mbele. Beaucoup pressé quand de mon soko dié. Tu es pressé pourquoi? Attendez un peu. Est-ce que l'église vous êtes là? Kanisa munafuata? Une Samoa inapita? J'ai dit Dieu m'a dit que Kasema Mungu aliniambia sema. Donne l'argent pour mon fils. Peleka franga juu ya mtoto wangu. Moi, je vais te donner l'argent. Mie nitakurudishia ile fedha. Mais chéri, mais tu ne me sais rien quand mon soko ina. Je tourne maintenant le temps passé. Attendez. 8h. 9h. 10h. Il y a un problème. Tu ne sais pas que je dois aller au service. Ah oui, ça m'a pas de cage. Chunga mbele. Chunga. J'entends seulement une moto. Laisse-moi tout moto et qu'on a couillé piki piki. Ah bonjour pasteur. Ah, amjam pasta. Que Dieu bénisse. Et Mungu akubariki. Dieu amen frère. Amen nduku. Oh frère. Oh nduku. Votre Dieu est grand. Mungu wenu ni mkubwa. Là où nous étions partis. Kule tulienda. On a creusé. Tunachimbula. On a eu un diamant. Tunapata diamant moya. Dieu nous a bénis. Mungu anatubariki nduku. J'ai dit si tu kule mimoya. Non, je ne mangerai pas seul. Frère ningisha mufu. Le frère a introduit me dans la poche. $400. $400 sur place. Bébé kuna weye. Prenez aussi. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu terrible. Tuna Mungu wa ajabu. Anaweza kuonesha mambo muro unamweresiste unachinda. Peut te dire quelque chose dans ton cœur, tu le résistes, tu rates tout. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu anasema kama moyo na hii. Tu le résistes, tu fermes ta porte. Kama ukishindana manake unajifungia mlango wa baraka. J'étais venu presser. On a vendu ces diamants-là. On a eu quand même. J'ai dit, pasteur, après nous connaissons. Nous passons à Kinshasa. 400 dollars. Maman, couya. Autant de termes, so. Tu vas plier les mains. Non, je n'ai pas de kuchunga. Tout cet argent, vous l'avez. Va d'abord au marché, prenez ton 100 dollars là. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen, amen. L'église peut dire gloire à Dieu. Amen. Nous avons un Jéhovah Jireh. Puisque on ne connaît pas l'obéir. Amen. Il y a des gens qui raisonnent avec Dieu. Tel que vous me voyez, frère, je ne raisonne pas. Je m'attends à Dieu. Et il agit. Frère bien-aimé, notre Dieu tout-puissant. Et l'écriture dit, pour Sarah, Hébreux chapitre 11, verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, s'est rendu capable d'avoir une postérité parce que elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia! Abraham et Sarah étaient le couple de croyants. Abraham croit en Dieu. Abraham anaamini Mungu. Il croit que Dieu fait des impossibles. Anaamini sasa Mungu anafanyaga maajabu. Sara naye anasema Dieu est capable. Mungu yuko na uwezo. Comme ils étaient capables. Vile walikuwa na uwezo. Frère Dieu fait miracle. Mungu alifanya miujiza. Avant qu'il reçoive Isaac. Mbele ya kuzala Isaka. Le fils promis. Mtoto wa Malaka. Dieu a changé leur corps. Mungu anabadilisha mili zao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme ils avaient la foi. Vile walikuwa na imani. Un jour que Sarah marchait comme ça. Kwa ile Sarah kantemwa wa kunjama. Anaona tu ananyoloka. Les saints qui étaient couchés. Basi walikuwa neshanguka. Inashimama buima. Alléluia. Amen. Abraham le regarde. Abraham na mwangalia. Il voit le sillon disparaître. Anaona mami konyo inapotea. La beauté revenue. Burembo burarudia. Il était devenu jeune. Anakuwa kijana. Et Abraham. Abraham na. Il sent seulement la vie. Anasikia tu naye mkongo na nyoloko. Le corps est devenu jeune. Mwili narudia kijana. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Nous avons un Dieu qui restaure. Tungu na Mungu ule kuna. Même ce soir. Par la foi. Kwa imani. Dieu peut te restaurer. Mungu anaweza kurudisha buyana. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu qui remplace ce qu'on a consommé. Si les hommes ont fait le corps avec des pièces de rechange, les garnitures de notre Dieu, crois ce soir que Dieu est capable de remplacer ce qui ne va pas dans le corps et donner un nouveau estomac. C'est un grand Dieu qui guérit. Frère, Duku. Comme Abraham Sawa Ibrahim, ne pouvait pas recevoir le fils promis avec Sarah dans les vieux corps. Mutoto wa Malako na Sarah mumwili ya zamani. On a envié même Sarah. Bari mutamania na Sarah. Par un roi païen. Wa mufalme mpagano. Il a dit quelle belle jeune fille. Nasema binti kani murembo. Le Dieu qui restaure. Ni Mungu anarudisha mpya. Ni Mungu moyo moyo. Nous aussi. Na sisi pia. Nous avons la parole de la promesse. Tukuna neno ya Malako. Avant de recevoir Jésus. Bele ya kumpokea Yesu. Le fils promis. Mwana wa Malako. Nous aurons le changement de nos corps. Le corps corruptible portera l'incorruptible. Le corps qui meurt aura l'immortalité. Est-ce que l'Église croit cela? Jésus, notre Isaac, quand il viendra, il va nous donner de nouveaux corps. On ne va pas les recevoir dans les anciens corps. Est-ce que l'Église est là? Amen. Laissez-moi vous lire quelque chose et je termine. Que notre frère Frank dit Frank dans la lettre circulaire avril 2009 à la page 2 il dit ceci: Abraham Ibrahimu, le père de la foi Baba imani, est un exemple pour Israël, Israëli, pour l'église kanisa, et pour chaque croyant. Kila il crie Dieu alimwamini Mungu. Romains 4 ici. Warumi sura et finalement il se expérimenta l'accomplissement de la promesse que le Seigneur lui avait donné. Mwisho yake alionja kutimilika kwa malako ile Bwana Mungu alimpatia. Croyons Dieu mes frères. Tumwamini Mungu banduku. Croyons Dieu mes sœurs. Tumwamini Mungu badada. Dieu accomplira sa parole. Mungu atatimiza neno lake. Rendez-vous dimanche. Tutaonana si la volonté de Dieu. Kama ni mapenzi ya Mungu. Pour ce soir, que Dieu des promesses infaillibles bénisse chacun de vous. Abariki kila mmoja wenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu nibariki. Croyez Mwamini. Que c'est un Dieu qui guérit. Ya kwamba ni Mungu yuko na ponya. C'est un Dieu qui peut te remplacer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu manques dans le corps. Kombola aizue kitu kanikina. Mais Dieu est capable. Mungu yuko na uwezo. Le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Que Dieu vous bénisse. Mungu nibariki.